Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans un nouveau numéro du MAG sur Radioactive. Aujourd'hui, on vous emmène dans un univers doux, créatif et plein de belles ondes. Direction Amboise pour découvrir Mood, un projet de café céramique porté par Camille Détru. Avec une ouverture imaginée en octobre 2025, Mood se voudra être un lieu accueillant et inclusif où l'on pourra peindre sa propre céramique, siroter un bon café et surtout prendre un moment pour soi. Un projet local qui va faire du bien et qui a besoin d'un petit coup de pouce. Une campagne Ulule est en cours pour financer l'achat d'un four céramique professionnel. Et pour en parler, c'est Camille elle-même qui est notre invitée aujourd'hui. Bonjour Camille. Bonjour Marlène. Alors, on va parler de ce projet Mood, mais pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours et nous raconter comment est née cette idée ? Oui. Alors, moi, je suis d'origine lilloise. J'ai commencé dans la vie professionnelle par des études en publicité, en marketing et du coup, un début de carrière dans ce domaine. Je suis arrivée en Touraine il y a une petite dizaine d'années. Et puis, j'ai eu l'opportunité de travailler dans le commerce de proximité à Amboise dans un concept store que peut-être certains auditeurs connaissent, qui est Goodbye Marilou, rue nationale à Amboise. Bien sûr. Donc voilà, une expérience vraiment très enrichissante. Et puis, j'ai eu envie à mon tour de créer un lieu qui me ressemble. Et puis, c'était une évidence que ce soit sur Amboise, parce que c'est vraiment une ville de laquelle je suis tombée amoureuse, en même temps que du commerce de proximité. Donc voilà comment est née l'idée. Et puis, j'ai une personnalité créative depuis l'enfance, donc ça réunissait un peu mes deux passions. Et alors, pourquoi ce concept de café céramique ? Alors, le café céramique, c'est un concept qui est très tendance en ce moment en France. Depuis une dizaine d'années, qui est arrivé par les grandes villes, notamment Lille et Paris, dans les années 2015-2018 pour Paris. Ça nous vient des pays anglo-saxons, notamment le Canada, la Grande-Bretagne. C'est vraiment l'idée de prendre du temps pour soi et de ralentir, tout en laissant parler sa créativité. Donc voilà, c'est vraiment un concept qui me ressemble parce que j'ai vraiment à cœur que les gens puissent prendre une petite bulle de déconnexion pour eux. Et puis ce côté créatif qui me parle beaucoup. Après 7 mois de formation un petit peu enfermée avec un groupe restreint, Camille me disait que autant c'était très riche humainement, autant ça lui manquait le contact avec le public. Donc là, ce sera l'occasion. C'est ça, ce sera l'occasion de retrouver d'anciens clients et puis de plein de nouveaux, j'espère. C'est quoi l'ambiance qu'on pourra retrouver dans ce lieu et qu'est-ce qui va le rendre unique, ce lieu Mood ? Donc l'ambiance, je la veux vraiment chaleureuse. Je veux miser sur l'expérience client de A à Z, de l'acte de réservation du créneau, en passant par l'accueil et jusqu'à la récupération de sa céramique. C'est vraiment une ambiance douce, apaisante, créative. Vraiment, l'idée, c'est de poser son cerveau pendant 2 heures et de laisser parler sa créativité et de profiter. Alors, pour ceux qui imaginent déjà le film Ghost en train de créer sa propre céramique, c'est pas l'idée du lieu, on est d'accord? Non, alors c'est pas l'idée, il n'y a pas de modelage. Chez Mood, on vient peindre une pièce en céramique brute, donc qui est vierge, hein, qui est toute blanche, qu'on appelle un biscuit dans le jargon. Il y aura une quarantaine de références qui vont de la tasse au vase, en passant par l'assiette, le bol, etc. Enfin, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Et pour tous les prix? Et pour tous les prix, on va être sur une gamme qui commence à 15 € et puis qui va jusqu'à 50-60 € pour les plus grosses pièces. Et donc l'idée, c'est de venir peindre la pièce, la décorer. Donc c'est vraiment une activité qui est accessible même aux enfants à partir de 4 ans sans souci. En plus, il y a plein de techniques, il y aura plein d'inspirations sur place. Voilà, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir une âme d'artiste pour venir se faire plaisir. Et alors, on évoque les enfants, ça sera possible de venir avec ses enfants, de faire un atelier en famille par exemple ? Mais tout à fait. Voilà. Génial. Voilà, on peut venir avec ses enfants. Comme je le dis, à partir de 4 ans, pour moi, c'est possible. Après, voilà, chacun connaît ses enfants et son affinité avec les activités créatives et artistiques. Mais voilà, c'est une activité qui est très, très accessible. Et en plus, ayant moi-même des enfants, je serai très, très attentive chez Mood à ce que les enfants se sentent bien et que les parents passent un bon moment. Vous imaginez d'ores et déjà, j'imagine, des moments à thème, peut-être, selon les moments de l'année, selon les tendances du moment ? Tout à fait. C'est une activité qui va vraiment répondre à toutes les saisonnalités. La gamme de biscuits céramiques, donc de pièces à peindre, va évoluer en fonction des saisons et des fêtes, notamment Noël. Vous aurez aussi des pièces spécifiques pour Pâques, Halloween. Enfin voilà, ça va ponctuer un peu tous les événements de l'année. Donc alors, on pince à céramique et alors après, c'est vous qui vous chargez du reste. C'est-à-dire qu'il y a un bain, vous le plongez dans un bain, ça marche comment les étapes ? C'est ça, il y a un second émaillage. Donc voilà, c'est une couche qui va venir envelopper le décor que les clients auront peint. Et puis il y a une deuxième cuisson, parce que du coup, le biscuit sur lequel on pince, c'est une pièce en céramique qui a été cuite une première fois. Mm-hmm. Et donc il y aura une deuxième cuisson qui va révéler les couleurs et rendre la pièce totalement brillante et du coup utilisable au micro-ondes ou la vaisselle est tout à fait OK avec le contact alimentaire. Alors, ce qui est super, en discutant en antenne tout à l'heure, c'est que celui qui veut faire la petite gamelle de son chien ou son chat, c'est ouais. L'occasion de le faire, en fait. C'est possible. Il y en a pour toute la famille, sans exception. Donc, on peut venir avec son chien. Non, je plaisante. Ah bah, franchement, il n'y a aucun souci. Voilà. Okay. Nous, on accepte tout le monde chez Mood. Il n'y a aucun problème pour venir avec son animal de compagnie. Après, dans la limite du fait que ce soit un animal qui accepte de rester... sage, entre guillemets, pendant 2 heures, mais moi, il n'y aura aucun problème là-dessus. Très bien. Pendant la cuisson, qu'est-ce qu'on fait, nous ? On attend en dégustant un petit latte dans un coin. Et c'est le plus long de l'expérience. Combien de temps ? C'est que non, en fait, au bout des 2 heures d'atelier, moi, je récupère la pièce et faudra revenir la chercher en moyenne 2 semaines plus tard. Après, c'est selon la quantité de pièces à peindre au café, ça va varier 2-3 semaines. Vous imaginez, Camille, des créneaux de 2 heures, c'est-à-dire que j'arrive, il y a un petit temps où vous expliquez comment ça se passe, vous présentez le matériel, les techniques différentes, oui. On se lance dans sa création, et puis après, on est en autonomie, on fait ce qu'on veut en fait. C'est ça. On dessine ce qu'on veut. C'est une activité totalement autonome, donc effectivement, quand vous arrivez chez Mood à l'heure prévue par le créneau réservé en ligne, je vous accueille, je vous explique, voilà, je vous fais un petit briefing qui dure environ 10 minutes. Et puis après, c'est en totale autonomie, puisque l'activité est vraiment facile, vraiment accessible. Et après, moi, je suis toujours dans le coin, je suis toujours dans le café. Donc s'il y a une question, s'il y a un petit souci, on vient me voir et je suis là pour répondre à tout ça. Voilà, pas de panique. Camille, puisqu'on parle de Mood, on va aussi l'écouter avec Agui Maël. Donc c'est un titre qui vous met dans l'ambiance, que vous utilisez pas mal. C'est ça. Je sais tout, hein. Et c'est parti sur Radioactive. Try to play it cool, baby. I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Messing around, acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool, baby. I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Yeah. Why you always in the mood? Messing around, acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Thank you. Et oui, Mood sur Radioactive. Mood, le titre de cette chanson que l'on vient d'écouter, mais aussi le nom du projet de Camille Détru, qui est notre invitée aujourd'hui. Camille qui envisage pour octobre l'ouverture d'un lieu super, vraiment ça donne envie, un lieu accueillant où elle proposera de peindre sa propre céramique tout en buvant un bon café. Donc de quoi prendre un moment pour soi tout en développant sa créativité. Alors pour ce faire, parce que là, les gens vont se dire, eh ben, on y va, on y court. Mais non, ça n'est pas encore prêt tout à fait. Camille, elle a besoin un petit peu de votre aide. Elle a lancé une campagne de financement participatif pour l'achat d'un four céramique professionnel. Alors, pourquoi est-ce que c'est un élément important dans le projet, ce four ? Sans doute un petit peu, mais oui. Parlez-nous de ce choix et voilà, comment ça se passe ? Eh bien, le four, c'est vraiment le cœur du café céramique. C'est l'élément indispensable à la cuisson des chefs-d'œuvre de mes futurs clients. Donc, ça peut tout simplement pas se faire sans lui. Et puis, c'est un investissement assez important. Donc, d'où l'intérêt de le mettre au cœur de la campagne de financement participatif. Oui, parce que là, du coup, vous visez une somme qui est de 2 500 €. Oui. Mais c'est pas du tout le prix du four. Non, c'est pas du tout le prix du four. C'est une partie. On va dire que c'est un tiers. Et puis, si on dépasse l'objectif, on pourrait en financer la moitié, voire la totalité, ou participer à d'autres investissements pour rendre le café encore plus agréable. Alors, si je participe à cette campagne Ulule, qu'est-ce que j'ai en échange ? Alors, il y a plein de contreparties possibles. Là aussi, il y en a pour tous les budgets. Les contreparties commencent à partir de 15 €. C'est aussi possible de faire un don libre, mais voilà, ça c'est vraiment à part qui démarre à 1 €. Mais voilà, okay. et dans ce genre de projet, chaque euro compte. Mmh. Donc, il n'y a vraiment pas de petits dons. Et puis après, au niveau des contreparties, vous allez avoir, par exemple, le Mood Starter qui est 15 € et qui est la boisson chaude et un cookie maison à venir savourer sur place à l'ouverture. Et puis après, ça va fonctionner un peu comme une pré-réservation de créneaux d'atelier céramique. Donc l'initiation céramique, c'est la contrepartie que j'ai mis à la une pour 35 €. Voilà, vous réservez votre séance avec une pièce à peindre dans une sélection au choix. Donc en fait, ça fonctionne vraiment comme une pré-réservation à l'ouverture. Vous aurez déjà payé votre créneau d'atelier. Donc il y en a, voilà, à 50 €, ça va être le package complet avec l'atelier plus la boisson et la pâtisserie. Pour 75 €, c'est le duo et ainsi de suite. Ok. Donc ça permet de faire une bonne action pour aider Camille à mettre en place son projet et en même temps de passer un super bon moment. Jusqu'à quand on peut participer à cette campagne et comment on fait concrètement ? Oui, alors on peut participer jusqu'au 12 juillet. Donc, okay. Il y a encore un bon mois devant nous. Et comment on fait ? Le plus simple, ce serait de me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Donc, je suis présente sur Instagram et sur Facebook, @moodcaféceramique, parce que je mets le lien régulièrement. Alors, le lien est dans la description, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Et puis, je le partage régulièrement en story. Voilà. Ouais, c'est plus sympa d'aller effectivement sur vos réseaux pour voir, parce que vous publiez pas mal de photos justement de ce que ça donne, c'est ça. Toutes ces œuvres. Alors, elle en a apporté une qu'on peut malheureusement pas vous mettre en radio, évidemment, mais vous pourrez trouver tout ça sur la page Insta de Camille. Oui, et puis comment on fait concrètement sur le site ? C'est très facile, une fois que vous êtes sur Ulule, vous choisissez votre contrepartie et ça se fait comme n'importe quel achat en ligne. Eh ben, merci beaucoup Camille pour cette belle présentation de Mood, un lieu qu'on a hâte de voir s'installer dans le paysage amboisien. Alors, céramique, douceur, café et reconnexion à soi. Un cocktail apaisant, parfait pour ralentir un petit peu nos vies bien remplies. Si vous avez eu un coup de cœur, vous aussi, pour ce projet, eh bien, n'hésitez pas à soutenir la campagne Ulule, en cours jusqu'au 12 juillet prochain. Toutes les infos sont donc à retrouver sur les réseaux de Camille, donc Mood, Mood céramique. Mood, café céramique, et entre chaque mot, il y a le petit tiré du bas. Parfait. Eh bien, on souhaite à Camille et à Mood une très belle aventure. Et bien sûr, on repassera, enfin, si elle veut bien nous y accueillir, me faire une émission à l'atelier grand plaisir. À l'automne. Merci Marlène, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est la fin de ce mag. Vous pouvez le retrouver en podcast sur la page Radioactive 93 et 94.7 FM.